je n'avais jamais vu le soleil parce que j'étais un aveugle né. Mon salut arriva droit du ciel par Jésus-Christ, Dieu incarné. Oh, quel jour de grâce, de bonheur et de joie et de gloire. La lumière remplace les ténèbres, mon Dieu, quelle victoire. Je viens me jeter dans tes bras pour ressentir la chaleur de ton amour. Chaque jour je porterai ma croix, je suivrai pas à pas sans détour. Ma consolation, vivre ta présence chaque instant. Oh, ma bénédiction, être pour toujours ton enfant.